Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1925, l'affaire Oscar Slater, quand Sherlock Holmes vient en aide à Conan Doyle. Comment ne pas envier Arthur Conan Doyle, l'écrivain mondialement connu de son vivant, richissime, fringant sur les photos avec sa montre à gousset et ses moustaches à pointe, le parfait représentant de la réussite victorienne. Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, avait tout pour être heureux. Et pourtant, jusqu'à la fin de sa vie, celui qui a révolutionné le roman policier va rester un éternel insatisfait, maudissant le personnage qu'il a lui-même créé, le fin limier qui, avec sa casquette, sa pipe et son Macfarlane, avait le mauvais goût de lui voler la vedette. Ce qu'on oublie souvent, c'est que Conan Doyle, dans ses multiples vies, médecin, adepte du spiritisme, journaliste engagé contre l'esclavage, fut lui-même un brillant détective. Notamment lorsqu'en 1925, à Glasgow, son enquête permettra d'innocenter un homme, Oscar Slater, injustement condamné aux travaux forcés, et contre tous, de faire éclater la vérité. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Xavier Mauméjean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, romancier, spécialisé dans la science-fiction, le fantastique, le roman policier, grand amateur bien sûr de Sherlock Holmes. Est-ce que vous vous considérez comme un holmésologue? Est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle la société Sherlock Holmes, qui a des dizaines de milliers d'adhérents dans le monde? Non, alors je me considère pas comme appartenant à une société, mais bien sûr, j'apprécie beaucoup le personnage. Et à travers lui, évidemment, Conan Doyle, c'est une date, une révolution dans le roman policier. On va parler bien sûr de Sherlock Holmes, mais on va aussi essayer de comprendre qui était l'homme, l'auteur derrière le personnage, qui était Conan Doyle, donc, avant d'inventer son personnage. Alors, Conan Doyle appartient à une famille d'artistes. Son grand-père est un caricaturiste, ami de Dickens, d'Israeli. Son père également, Charles Altamont Doyle, est un peintre, un dessinateur, qui hélas va présenter très tôt des troubles mentaux, ce qui va être une sorte de plaie dans la vie du jeune Conan Doyle. Et puis, il va entreprendre de son côté tout un travail sur lui-même, se détacher de l'ultra-catholicisme de sa mère, Marie. Et il va se retrouver comme ça, se débrouiller plus ou moins seul, à faire des études de médecine. Il devient plus ou moins le tuteur de son petit frère, Heinz, avec lequel il emménage à Southie, alors qu'il est tout jeune médecin. Il va être aventurier, véritablement. Il va partir pendant une année entière de 1880 à 1881 sur un baleinier, le Hope. Et puis, il va s'installer difficilement au début dans sa carrière médicale. Et puis, il écrit pour gagner un petit peu d'argent, parce que c'est difficile. Il écrit aussi par passion, parce qu'il a en lui des récits d'aventure, des récits historiques. Et il découvre aussi qu'il a en lui des récits policiers qui vont donner lieu à une invention formidable dans le récit à intrigue, dans l'énigme, qui est Sherlock Holmes, qui apparaît pour la première fois en 1887, après plusieurs refus, pour la somme dérisoire de 25 livres. Le récit, un court roman, est acheté par le Beaton's Christmas Annual, mais il faudra attendre encore quelques temps, 1891, et la parution dans The Strand de nouvelles, Les Aventures de Sherlock Holmes, pour que là le succès explose et soit irréversible. Mais à un moment, Conan Doyle a beaucoup de succès avec son Sherlock Holmes, mais à un moment, il en a assez, Conan Doyle, c'est assez bizarre d'ailleurs. Il décide, dans sa prochaine nouvelle, que son personnage va mourir. Alors, très vite en fait, c'est-à-dire que dès qu'il atteint au succès, en 1891, il prévient sa mère qu'il en a assez, qu'il va le tuer. Sa mère lui dit que ce serait vraiment dommage, ça ne passera jamais. Et symboliquement, en fait, il va mettre fin, dans un premier temps, aux aventures de Sherlock Holmes. Il va littéralement le tuer en 1893, qui est aussi l'année de la mort de son père, Son père, qui était le premier illustrateur de Sherlock Holmes, qui lui a donné son premier visage. Donc cette même année, il tue son personnage, son propre père meurt, et il s'engage dans la société de recherche psychique. Et donc là, il va vraiment, ce n'est pas la première fois, mais là pleinement, s'intéresser au spiritisme. Donc Conan Doyle va faire mourir son personnage en le faisant tomber dans un ravin. Ça, c'est dans sa nouvelle Le Dernier Problème. Mais quelques années plus tard, face aux réclamations des lecteurs et aux problèmes financiers aussi qu'il aura, Conan Doyle va le ressusciter. Xavier Mauméjean, je propose qu'on se retrouve tout à l'heure pour continuer de parler de Conan Doyle et de son Sherlock Holmes. Tout de suite, 1925, l'affaire Oscar Slater, quand Sherlock Holmes vient en aide à Conan Doyle. Un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour autant n'importe l'histoire. Réalisation Cédric Ossire. Alors, Émilie, qu'avez-vous pensé du livre ? C'est parfait. Comme d'habitude, monsieur Conan Doyle. Je n'ai plus qu'à faire la préparation de copies et l'envoyer à l'imprimerie. Certes. Mais je vous demande si vous avez aimé. Ah. Oui. Eh bien, j'ai bien aimé. Le spiritisme n'est pas trop mon domaine, et puis je ne savais pas que vous croyiez aux fantômes. Aux esprits. Je crois aux esprits. Ils existent, vous savez, et ils sont immortels. Je l'aime bien, cette petite Émilie. Ça fait quoi, 5 ans qu'elle travaille pour mon éditeur. Elle est vive, organisée, méticuleuse. Mais elle aussi, elle pense que Sherlock Holmes est mon double, que j'ai les mêmes analyses cartésiennes, la même approche froide et clinique de la vie. Mais Holmes n'est qu'un personnage. Je lui dois mes plus grandes joies, mais aussi mes plus grandes frustrations. Parfois, je regrette le jour où je l'ai inventé. À 65 ans, moustache gominée, tirée à 4 épingles dans son costume 3 pièces, Sir Arthur Conan Doyle est au sommet de sa gloire. Mais l'écrivain est aussi écrasé par le poids de son héros, Sherlock Holmes. La guerre lui ayant pris un frère et un fils, Conan Doyle s'est pris de passion pour le spiritisme. Il se raccroche, comme beaucoup, à l'espoir de rentrer en contact avec ses êtres chers disparus trop tôt. Mais ses sorties publiques en faveur de faux mages, vrais charlatans, ternissent sa réputation. Au printemps 1925, il s'est isolé dans son manoir de Windlesham, au calme dans la campagne anglaise du Surrey, pour terminer l'écriture de son prochain ouvrage, L'histoire du spiritisme. Mais alors qu'il s'apprête à l'envoyer sous presse, une visite va troubler le vieil écrivain. Désolé du dérangement, monsieur Doyle. Je suis désolé, ce monsieur, je lui ai dit que vous étiez en rendez-vous, je lui ai dit. Je m'excuse, monsieur Doyle, mais j'ai pas beaucoup de temps et je dois vous voir. Oh, il est évident que votre temps est très précieux. Oh, pas vraiment, vous savez, après 10 piges à la prison de Peterhead, juste le fait d'être dehors, c'est déjà sacrément bon. C'est juste que je repars au train de 17h. Vous venez de Peterhead ? Merci, madame Smithson, vous pouvez nous laisser. Comme vous voudrez. Peut-être pourriez-vous nous dire l'objet de votre visite ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je m'appelle William Gordon. Désolé, satané, donc je ne l'ai pas enlevé depuis des plombes. Voilà. J'ai un message pour vous. Là-dedans ? Ben, vous croyez quoi ? On est fouillé 3 fois par jour. Ma fausse dent, c'était le seul moyen de sortir la lettre de Peterhead. Tenez. Je préfère que vous gardiez le papier et que vous me le lisiez, si vous voulez bien. C'est moi. Mon ami, je te souhaite tout le bonheur pour ta sortie et si tu peux faire ce que je t'ai demandé, dis à Conan Doyle de ne pas m'oublier. J'ai besoin de lui. Je ne sais pas s'il sait que je suis toujours là. Merci. Bonne chance, Oscar Slater. Oh. Voilà. Faut pas le laisser là-bas, monsieur Doyle. Il perd la boule. Il va mourir si vous faites rien. Peterhead, l'unique prison en Écosse, est réputée pour être l'une des plus dures de Grande-Bretagne. Surnommée la fabrique de la haine, elle fut construite sous le règne de Victoria, au nord-est de l'Écosse, face à la mer du Nord. C'est dans ce décor sinistre et dans des conditions dignes d'un roman de Dickens qu'Oscar Slater purge sa peine en cassant du granit depuis 16 ans. Oscar Slater. N'est-ce pas l'Allemand qui a tué cette vieille dame à Glasgow ? Il est innocent. J'étais enfant quand ça s'est passé, mais je m'en souviens un peu. Vous avez écrit un livre sur lui ? C'est exact. 2 ans après le procès de 1909. Oscar Slater avait été condamné à mort dans l'affaire du meurtre de Marion Gilchrist. À l'époque, j'avais repris les éléments de l'enquête et montré que Slater était innocent. Il est victime de la plus grosse erreur judiciaire de l'histoire de la Grande-Bretagne. Mais elle n'est visiblement toujours pas réparée. Mon action a permis de lui sauver la vie. Le roi Édouard a commué sa peine en travaux forcés à perpétuité. Au bagne de Peterhead ? C'est une demi-victoire, si je puis me permettre. Mais il me semble qu'après avoir purgé 15 années, on peut demander une révision de jugement. C'est peut-être possible, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose à tenter. Décidément, cette Émilie ne manque pas d'aplomb. Mais elle a raison. J'ai passé la nuit à repenser à cette affaire. Slater n'a pas de famille dans ce pays, tout le monde l'a oublié. Son message prouve une chose, il n'a plus que moi qui puisse l'aider. Je vais écrire au secrétaire d'État écossais pour qu'il reconsidère sa situation. Doyle. Debout, mon cher Doyle. Oh non, pas vous, Sherlock Holmes. Évidemment que c'est moi. Vous avez encore besoin d'aide, on dirait. Allez, réveillez-vous, mon vieux, j'ai pas toute la nuit. Résumez-moi les nouveaux éléments de l'affaire. Quelle affaire ? L'affaire Marion Gilchrist, pardi. Vous avez des nouveaux éléments ? Je n'ai pas cherché. Et puis je ne vous ai rien demandé. Ne me dites pas que vous préférez vous consacrer à vos écrits sur le spiritisme. Vous n'allez pas me faire la leçon, vous aussi. Mon cher Doyle, vous n'êtes pas forcément un foudre de guerre, mais vous faisiez preuve jusqu'à présent d'un certain esprit d'analyse. Je n'aime pas que vous m'appeliez Doyle. Avez-vous reçu une réponse du secrétaire d'État ? Non. Pas étonnant. Ils ne savent pas quoi faire de ce teuton. Même s'ils le libéraient, ils ne pourraient pas renvoyer Slater en Allemagne. Il a été déchu de sa nationalité. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Doyle ? Mais je vais voir. Je ne sais pas encore. Sans nouveaux éléments, vous n'irez pas bien loin. Une nouvelle fois, la vie de cet innocent est entre vos mains. Tâchez de faire le nécessaire, cette fois-ci. Je suis content que vous ayez accepté de venir, mais je n'ai pas besoin de nourrice. Mais ce n'est pas l'éditeur qui m'envoie. Je viens de mon propre chef. Mais, et vous, qu'est-ce qui vous a décidé ? Vous avez vu les critiques de l'histoire du spiritisme ? Oui, bon, parlons d'autre chose. Le Times me traite de vieille hurluberlue ensorcelée par des charlatans. Alors oui, parlons d'autre chose. Ce voyage va vous changer les idées. Et pourquoi vous souriez comme ça ? Pardon, mais je rêve depuis toute petite de mener des enquêtes. Vous savez, avant de devenir correctrice, j'ai fait des études de journalisme. Personne n'est parfait. En ce qui me concerne, l'idée de ce périple ne m'enchante pas plus que ça. Je n'ai plus l'âge de jouer les aventuriers. Mais c'est le seul moyen de trouver de nouvelles preuves. À l'époque du procès, Conan Doyle ne s'était pas rendu sur les lieux pour enquêter. Il s'était contenté de se procurer les procès-verbaux et son aura d'auteur à succès lui avait permis de recueillir les confidences des journalistes qui couvraient l'affaire. Voici Marion Gilchrist, la victime. Une riche célibataire de 82 ans au moment des faits. Elle vivait dans une maison bourgeoise de Glasgow, seule avec sa bonne et une belle collection de bijoux. Ah, le mobile du crime. Minute, papillon. Dans cette affaire, rien n'est évident. Donc, je disais, Marion Gilchrist collectionnait les bijoux. Mais à part son entourage proche, personne n'était au courant. Le 21 décembre 1908, à 19h précises, la bonne, Helen Lambie, sort comme à son habitude pour acheter le journal du soir. Cette sortie prend 10 minutes, un quart d'heure maximum. Pendant ce temps, le voisin du dessous... Ah oui, car j'ai oublié de vous dire que Marion Gilchrist n'habitait que le premier étage de sa maison. Une famille de musiciens lui louait le rez-de-chaussée, les Adams, avec lesquels elle entretenait de bonnes relations. Mademoiselle Gilchrist étant de nature prudente, vu son grand âge, elle avait convenu d'un code avec les Adams en cas d'urgence, elle frapperait 3 fois sur le sol. Ce soir-là, Arthur Adams et ses sœurs sont en train d'emballer leurs cadeaux de Noël. Quelques minutes après le départ de la bonne, ils entendent distinctement 3 coups venant de l'étage. Adam se précipite, il sonne, et comme personne ne vient répondre et qu'il entend du bruit à l'intérieur de l'appartement, il se dit qu'il s'agit d'une coïncidence. Et il redescend. Quels étaient ces bruits ? Comme si quelqu'un cassait des bouts de bois. Adam a pensé que la bonne préparait du feu. C'est très curieux. Oui. Et Arthur Adams et ses sœurs n'étaient pas totalement rassurés. Ils avaient bien entendu les 3 coups. Ça n'était pas involontaire. Les sœurs renvoient Adams à l'étage et dans le couloir, Adams tombe sur la bonne, Helen Lambie, qui rentre avec le journal. Elle ouvre la porte de l'appartement qui était verrouillée de l'intérieur. Et à partir de là, les 2 témoins divergent. Adams dit qu'Helen est entrée, alors qu'elle affirme être restée à côté de lui sur le pas de la porte. Toujours est-il qu'à ce moment-là, dans le couloir de l'appartement, un homme apparaît en face d'eux. Le tueur. Exactement. L'homme reste calme, il passe sans rien dire devant eux et disparaît. Adams et Helen Lambie sont tétanisés. Quand ils reprennent leurs esprits, Lambie va d'abord dans la chambre d'amis qui est en face de la porte d'entrée. Elle y voit du désordre, la pièce a été fouillée. Puis, elle s'approche du salon où elle avait laissé Miss Gilchrist en train de lire. Et elle pousse un cri. « Monsieur Adams, venez voir !» Le corps sans vie de Marion Gilchrist est allongé par terre, la tête vers la cheminée et les pieds vers la porte. Elle baigne dans son sang, défigurée par les coups. C'est horrible. Helen Lambie s'approche de Miss Gilchrist et constate qu'elle respire encore. Mais les blessures sont telles qu'elle meurt dans ses bras quelques instants plus tard. Quand ils reprennent leurs esprits, ils préviennent la police qui arrive rapidement et fait les premières constatations. Marion Gilchrist a reçu des coups très violents portés au visage par un objet contondant. Les policiers dressent l'inventaire des bijoux. Et bizarrement, il ne manque qu'une seule pièce. Une broche en forme de croissant d'une valeur de 50 livres. Alors que la collection de Miss Gilchrist est évaluée à plus de 3000 livres. C'est considérable. Miss Gilchrist était une femme riche et les bijoux étaient sa seule passion. Alors pourquoi ne prendre qu'une seule broche ? C'est bizarre, n'est-ce pas ? D'autant que plusieurs bagues étaient bien en vue sur la table de nuit et l'argent liquide n'a pas été touché. Peut-être que le voleur a été pris de panique en les voyant arriver. Peut-être. Le lendemain, les policiers lancent un avis de recherche pour la broche. Ils établissent un portrait robot de l'homme que Lambie et Adams ont vu sortir et le publient dans la presse. Mais la description est vague. Un homme portant un pardessus gris, un chapeau mou et qui marchait bizarrement. Je m'arrête un instant sur ce portrait robot. Vous me permettrez de douter de sa valeur. Adams a reconnu qu'il était myope et qu'il n'avait pas ses lunettes. Et Lambie n'était pas d'accord avec lui sur leur position dans l'appartement au moment des faits. Tout est allé trop vite. C'est compréhensible. Pourtant, 4 jours plus tard, la police sort un autre portrait robot, plus précis, d'après de nouveaux témoins qui auraient vu le tueur dans la rue. Le chapeau devient un chapeau style Donegal, le pardessus se transforme en manteau couleur fauve avec pantalon sombre et des bottes marron. On cherche maintenant un homme entre 28 et 30 ans, grand, mince, rasé de près, avec un nez légèrement tordu. La description devient très précise, en effet. C'est une aberration. Vous pouvez imaginer la valeur de ce portrait robot fait avec des témoins autoproclamés qui n'ont pu voir le suspect que quelques secondes, en pleine nuit, plusieurs jours auparavant. Bref, le soir de Noël, 4 jours après le meurtre, tout bascule. Un bijoutier se présente à la police et déclare qu'un homme a voulu lui vendre une broche en forme de croissant. Il connaît son nom et son adresse. L'homme est un immigré juif allemand qui fréquente les bas-fonds de la ville. Il est déjà connu des services de police. Et il ressemble un peu au portrait robot. Cet homme, c'est... Oscar Slater. La Conan Doyle a réservé deux chambres au Grand Central, un majestueux hôtel victorien, un des joyaux de cette ville, alors au pic de sa puissance industrielle, dont les chantiers navals sont renommés dans le monde entier. Au milieu des années 20, ils tournent à plein régime et permettent à Glasgow de se développer jusqu'à atteindre le million d'habitants. Merci pour ce traitement. Je ne suis pas habituée à un tel luxe. Nous n'allions pas rester dans une pension. Et puis j'ai préféré réserver une valeur sûre. Je ne connais plus la ville. Elle a tellement changé. Vous êtes écossais pourtant. Glasgow est un peu votre capitale. Ah, ne dites pas ça. Je suis d'Édimbourg. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est une mentalité à part. J'ai même du mal à les comprendre quand ils parlent. Ah, je ne suis pas la seule. Oh non. Leur accent est tellement fort que ça devient un dialecte. Et puis ici, tout le monde se connaît, tout le monde fait bloc, ce qui n'arrange pas nos affaires. J'imagine que pour un immigré comme Slater, ça n'a pas dû être facile non plus. J'en suis convaincu. Si Slater a été condamné, c'est parce qu'il était le coupable idéal et qu'il n'avait personne de son côté. J'ai lu quand même que Slater était un souteneur. Il s'est marié avec une Britannique, une alcoolique, qui lui rendait la vie impossible. Il s'est enfui, qui peut l'en blâmer ? Et s'est mis en ménage avec une certaine André-Antoine, une actrice française, qui plus est, autant dire une prostituée. Mais il n'y a aucune preuve qu'il vivait à ses crochets. Toutes les actrices françaises sont des prostituées ? Vous êtes bien innocente, ma chère Émilie. Depuis son arrivée dans la ville quelques mois plus tôt, la police l'avait à l'œil. C'était un habitué des clubs de billard mal famés. Mais il n'avait rien à lui reprocher. Il le suivait déjà ? Rappelez-vous qu'à l'époque, on était en pleine vague d'immigration juive. Et Slater n'avait pas les revenus des Rothschild. Alors la police tenait à l'œil les immigrés comme lui, au cas où ils seraient tentés par de l'argent facile. Mais la seule raison pour laquelle les policiers l'ont poursuivi jusqu'en Amérique, c'est qu'ils pensaient que Slater détenait la broche de Miss Gilchrist. Or, dès son arrestation à New York, les enquêteurs ont constaté que ce n'était pas la même broche. Mais... alors pourquoi ne l'ont-ils pas relâché ? Ils auraient dû ! Au contraire, ils l'ont ramené à Glasgow où il a fini par être condamné. Il n'avait aucun lien avec la victime, il n'avait pas la broche. Mais il avait fui la ville sous un faux nom et il correspondait vaguement au portrait robot. Ça a suffi pour les jurés. Son procès a été une pantalonnade, une honte pour ce pays. Par exemple, personne n'a parlé de la vraie raison pour laquelle Slater avait quitté le pays. Sa femme avait retrouvé sa trace et lui demandait de l'argent. Il risquait gros car il n'était pas officiellement divorcé. Donc il a fui sous un faux nom pour la semer. Il était attendu aux États-Unis par un ami qui lui avait écrit pour l'inviter. Ce départ était prévu bien avant le meurtre. On a même retrouvé la lettre. Mais elle n'a pas été versée au dossier. Mais l'avocat de la défense aurait pu en faire état. Il ne savait sûrement même pas que cette lettre existait. Cette histoire est invraisemblable. Comment a-t-on pu arriver à une telle erreur judiciaire ? Franchement, ça m'échappe à moi aussi. Mais je sais que le climat de l'époque a beaucoup joué. L'opinion publique était hostile à Slater, elle l'était encore quand j'ai tenté de prendre sa défense. Sans soutien populaire, mon action était vouée à l'échec. La Grande-Bretagne n'est pas à l'abri de l'antisémitisme. Entre 1880 et 1914, 150 000 juifs, fuyant les persécutions de l'Europe de l'Est, se sont installés en Grande-Bretagne. En 1905, une loi très stricte était votée, avant tout destinée à limiter l'immigration juive. Le meurtre vénal de Marion Gilchrist faisait parfaitement écho aux clichés antisémites. Malgré l'absence de preuves et des articles de presse qui dénoncent une erreur judiciaire, l'opinion publique ne s'est guère émue du sort de ce juif allemand. Le premier procès de Slater s'est tenu dans une ambiance hystérique de chasse aux sorcières. En 1925, ce sont surtout les suffragettes et les socialistes qui font peur en Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, grâce à ce brave Trench, l'espoir est peut-être permis. Conan Doyle, en effet, pense pouvoir s'appuyer sur l'enquête menée à l'époque par un détective de Glasgow. John Thompson Trench prétendait détenir des preuves de l'innocence de Slater, qui, selon lui, avait été ignoré par la police. Il réussit à obtenir la réouverture du procès en 1914. Mais le résultat fut décevant. Les auditions furent tenues à huis clos. L'officier de la couronne en charge de l'instruction refusa de prendre en compte les éléments nouveaux et confirma le jugement à perpétuité. Cette fois, Conan Doyle compte bien rendre ses documents publics. J'ai de mauvaises nouvelles. Je suis passée voir John Trench, comme vous me l'aviez demandé, mais... il est mort. Non. Depuis plusieurs années, j'ai rencontré sa veuve. Elle m'a raconté. C'est cette affaire qui l'a tué. À la suite de la réouverture du procès, il a été chassé de la police et on lui a collé une accusation de corruption sur le dos. Cette calomnie a duré pendant 4 ans. Il a été blanchi, mais il en est mort. Quelle histoire sordide. Comment va sa veuve ? Elle est déterminée à poursuivre le travail de son mari. Elle m'a donné cette boîte. Avec tous les documents qu'il avait récupérés. Les procès-verbaux, les photos de l'enquête qui n'avait pas été versée au dossier. Il y a beaucoup de choses. Ça n'a pas pu être que de la négligence. Vous pensez que c'est un complot ? Ça y ressemble quand même beaucoup. Voilà, c'est là. Miss Birrell, la nièce de la victime. Elle a été interrogée le soir du meurtre et son témoignage n'a jamais été transmis. Si ce qu'elle dit est vrai, c'est une bombe. Elle affirme connaître le meurtrier. Mais regardez, la police a effacé son nom et remplacé par des initiales A, B. C'est un honneur de vous recevoir. Monsieur Conan Doyle, je dois vous le dire, je suis une inconditionnelle de Sherlock Holmes. Même si ses dernières aventures étaient quelque peu décevantes. Watson prend trop de place. Mais je préfère toujours cela à vos errements sur le spiritisme. Vous prenez du sucre ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée pour les gens de notre âge. Vous le savourerez mieux sans sucre. Merci beaucoup, Miss Birrell. Je ne sais pas si un auteur de roman peut réussir là où ce regretté détective Trench a échoué. À part lui, personne n'a voulu entendre ce que j'avais à dire sur cette terrible affaire. Nous sommes là. Faites-nous confiance. Comment connaissez-vous Helen Lambie ? Helen est la gouvernante de ma tante. Elles habitaient à quelques rues d'ici. Je les voyais régulièrement. Et que s'est-il passé le soir du meurtre de Miss Gilchrist ? Hélène a sonné chez moi vers 19h30, complètement chamboulée. Elle n'était pas belle à voir, elle était toute débraillée, la pauvre. Elle m'a raconté avoir trouvé ma pauvre tante baignant dans son sang. Ma tante ne méritait pas cette fin horrible, vous savez. Même si elle était pingre et détestait tout le monde. Que vous a dit Helen Lambie précisément ? Hélène m'a dit qu'elle avait vu le meurtrier. Le fameux abbé des procès-verbaux, vous le connaissez ? Évidemment. Il s'agit de Francis Charteris. Qui est-ce ? Un cousin. Notre famille est liée aux Charteris. Ma tante Marion n'avait pas d'enfant. Et elle avait un jeune frère, James, qui s'est marié à Elizabeth Greer. Et quand James est décédé, je crois vers la fin de 1870, sa femme s'est remariée, seulement 3 ans plus tard. Au passage, cela vous donne une idée du personnage. Elle a porté le deuil 3 petites années avant de reprendre un bon parti. Bref, Elizabeth s'est remariée avec Matthew Charteris, avec lequel elle a eu 3 enfants, Archibald, John et Francis Charteris, neveu donc par alliance. En bon Charteris, Francis a reçu une très bonne éducation, il est médecin. Mais ce n'est pas quelqu'un de recommandable, si vous voulez mon avis. Il rendait visite à ma tante de temps en temps. Mais pourquoi Helen Lambie ne l'a pas dénoncé à la police ? Je crois qu'elle avait peur. Et je n'ai rien arrangé en lui disant que c'était une catastrophe. Que les Charteris ne supporteraient pas d'avoir un meurtrier dans la famille. Pourquoi a-t-elle eu peur ? Parce qu'Helen Lambie n'était qu'une petite gouvernante. Et que les Charteris sont l'une des familles les plus puissantes de Glasgow. Dans ce pays, les grandes familles craignent moins la justice que le scandale. Ils se défendent par tous les moyens. Les Charteris connaissent les magistrats, les chefs de la police et même certains politiciens. Vous pensez qu'il y a eu un complot contre Slater ? Non. C'est un bien grand mot. Les riches se serrent les coudes entre eux, c'est l'usage. Le but était de couvrir Charteris. pas forcément d'accabler Slater. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Malheureusement, non. Et je crois qu'encore aujourd'hui, vous aurez du mal à délier les langues. Helen Lambie est introuvable. Elle a finalement quitté Glasgow il y a quelques mois sans laisser d'adresse. La version de Miss Birrell se tient. Lambie a sûrement voulu refaire sa vie loin de ce nid de vipères. Et si le meurtrier de Marion Gilchrist est bien son neveu Charteris, cela expliquerait pourquoi elle a ouvert sa porte sans se méfier. Mais quelle est la valeur réelle de ce témoignage de deuxième main si Lambie ne le confirme pas? Et puis, peut-on vraiment croire cette harpie qui persifle sur toute sa famille? Doyle, ressaisissez-vous. Hein? Pardon, je... Oh, encore vous, Holmes! Vous oubliez tous les fondamentaux. Ne vous lancez pas dans l'analyse psychologique de vos témoins de sexe féminin. Clairement, vous n'en êtes pas capable. Laissez faire votre assistante, qui, au passage, obtient des résultats. Vous me poursuivez jusqu'à Glasgow. Rappelez-vous la première règle, Doyle. Il n'y a pas de crime sans mobile. Que savez-vous du mobile ? Eh bien, on pense tout de suite aux bijoux. Un ouvrier, un plombier aurait pu les voir. Même Charteris aurait peut-être pu... Rappelez-moi combien de bijoux ont été dérobés. Une broche. Mais le tueur a été dérangé par... Il a pris le temps de fouiller, mais n'a pas touché à l'argent qui était sous ses yeux, sur la table de chevet. Oui, c'est exact. Alors les bijoux ne sont peut-être pas le mobile. Il se peut que ce soit quelque chose d'autre. Une vengeance. Miss Gilchrist n'avait plus de vie mondaine. Avec tout le respect que nous devons à son grand âge, nous pouvons aussi écarter la piste du crime passionnel. Miss Gilchrist n'avait pas d'ennemis connus. Le tueur a agi au moment de la sortie quotidienne de la bonne. Il savait que c'était le moment où Marion Gilchrist serait seule. Le meurtrier connaissait sa victime. On ne sait pas si la discussion a dégénéré ou si l'acte était prémédité, mais... une chose est sûre, le crime n'était pas l'objectif du visiteur. Il cherchait quelque chose. Des papiers qui étaient dans une boîte en bois fermée à clé ont été retrouvés répandus sur le sol. Le meurtrier a brisé la boîte. Il cherchait peut-être des documents. Si l'on considère encore une fois l'âge avancé de Miss Gilchrist, il me semble qu'un mobile n'a pas encore été évoqué dans cette enquête. Un testament ? Le tueur en avait après sa fortune. Cela me paraît le plus probable, mon cher Doyle. Cela porterait d'autant plus les soupçons vers Charteris, le neveu. Quand on a écarté toutes les autres pistes, celle qui reste... est forcément la vérité. Vous aviez vu juste. Miss Birrell me l'a confirmé. Marion Gilchrist avait annoncé quelques semaines avant le meurtre qu'elle allait modifier son testament. Je suis passée voir le notaire, et devinez quoi ? Il n'était pas au courant de cette modification. Ce qui veut dire qu'elle gardait effectivement le nouveau testament chez elle. Elle n'a pas eu le temps de le rendre officiel. Le mobile se confirme. Celui qui hérite est celui qui avait intérêt à garder l'ancien testament. Oui, mais c'est là que ça se complique. La fortune a été répartie entre plusieurs personnes. Si Charteris est le coupable, son coup n'a fonctionné que partiellement. Il n'a pas touché tout le magot. Ou il n'a pas agi seul. En tout cas, bravo. C'est un beau travail de déduction. Je sais maintenant d'où viennent les fulgurances de Sherlock Holmes. Oui, enfin, comment vous dire ? C'est délicat, ça va vous paraître fou. Mais ce n'est pas vraiment moi. C'est même l'inverse. Sherlock Holmes m'a en visite, de temps en temps, la nuit. C'est lui qui m'a aidé à trouver le mobile. Vous êtes brillant et drôle. Cette humilité est toute à votre honneur. Oui, bien sûr. Enfin, bon, sinon, vous avez du nouveau sur Charteris ? Oui, c'est effectivement quelqu'un de très en vue. Il est professeur émérite à la faculté de médecine, mécène de l'opéra, marié, deux enfants... un homme en apparence tout à fait respectable. En apparence ? Si seulement on pouvait mettre la main sur Helen Lambie. C'est notre seule chance. Mais malheureusement, Je ne suis pas sûre qu'il faille y compter. Même si on la retrouvait, je ne vois pas pourquoi elle prendrait le risque d'accuser Charteris maintenant. Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. Vous pouvez m'expliquer ce qu'on fait, là ? Le golf, il n'y a que ça de vrai pour s'éclaircir les idées. Les pieds de chaque côté de la balle, bien perpendiculaires à l'axe de tir. Oui. Comme ça. Et le swing, voilà, comme ça. Allez, répétez le mouvement avant de taper. Visez le drapeau là-bas. C'est très bien, vous êtes doué. Vous ne pensez pas qu'on devrait rentrer à Londres ? Désolée, je vous perturbe, vous avez complètement raté. Parfois, on donne l'impression de se tromper, mais c'est intentionnel. Pardon, excusez-moi. Vous allez comprendre. Allons nous excuser. Cela aurait été un honneur d'être assommé par une balle tapée par Sir Arthur Conan Doyle. Merci en tout cas de me faire découvrir un whisky que je ne connaissais pas. Il est délicieux. Pardon, mais c'est moi qui l'ai choisi. Longmorne, 16 ans d'âge, filtré à froid et vieilli dans 3 types de fûts différents. Je n'aime pas la bière, alors au pub, je prends du whisky. Émilie est une jeune femme pleine de surprises. Vous êtes écossais, vous aussi ? Oh oui, et depuis plusieurs générations. Je suis Matthew Charteris, du clan Charteris. Mes ancêtres se sont battus pour l'indépendance de l'Écosse au XIIIe siècle. À cette période, les Doyle étaient encore des paysans irlandais. Qu'est-ce qui vous amène à Glasgow, monsieur Conan Doyle ? Le golf. Entre deux ouvrages, j'initie mon assistante à ce formidable sport. Vous travaillez sur un nouveau livre ? Pas vraiment. Je viens d'en sortir un. Je m'en pose. Vous savez, j'aime beaucoup Sherlock Holmes, évidemment, mais aussi votre professeur Challenger. C'est très gentil. Vous excellez dans la fiction, peut-être un peu moins dans le réel. Ah ? Ne le prenez pas mal. Je parle de la rigueur que cela réclame. Quand on parle de gens qui existent, il faut être très prudent sur ce que l'on écrit. Vos habitudes de romans policiers vous jouent des tours, c'est compréhensible. Mais je pense que chacun doit savoir rester à sa place. Je comprends votre position. Mais j'estime devoir utiliser mon influence pour rétablir un peu de justice dans ce monde. Monsieur Charteris, Monsieur Conan Doyle est trop modeste pour mentionner sa contribution à l'enquête dans l'affaire Eladji il y a quelques années. Il a fait éclater la vérité. Dans le cas de la mort de ma tante, par contre, vous êtes lourdement trompé dans votre ouvrage de 1912 en prenant la défense du tueur. La justice n'a pas été rendue dans cette affaire. Il reste de nombreuses questions. Vous-même n'avez pas été interrogé, Monsieur Charteris. Pardon ? J'imagine que vous devez vous rappeler où vous étiez la nuit du meurtre de votre tante. Émilie, je me doutais de vos intentions, mais je ne pensais pas que vous iriez jusqu'à m'insulter en m'accusant directement. Vous vous prenez pour des juges, mais vous n'en avez ni le droit, ni la capacité. Vos méthodes sont détestables, Monsieur Conan Doyle. Comme disait Shakespeare, vous êtes un bon vieillard, il faut que vous jasiez. Mais quand l'âge entre, l'esprit sort. Je suis navrée pour hier, j'ai tout gâché. Non, c'est de ma faute, j'ai été très naïf. Je n'allais pas avouer si facilement. C'était bien essayé quand même. Avec un peu de whisky, il aurait pu faire des confidences. Vous n'avez aucune chance, il est écossais. Gardez votre sens de l'humour. C'est tout ce qu'il me reste, ma chère Émilie, c'est tout ce qu'il me reste. Doyle. Encore vous. Mais qu'est-ce que vous voulez encore ? Je voulais vous féliciter. Ah, on peut savoir pourquoi ? Franchement, Doyle, vous pouvez être fier de vous. Ne vous perdez pas dans des chimères. Il est possible que Helen Lambie ne revienne jamais pour dire la vérité. Et que Charteris, s'il est coupable, échappe à la justice des hommes. Mais il devra vivre avec ce crime jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, vous avez désormais tous les éléments pour prouver l'innocence de Slater, c'est le plus important. Oui, peut-être que... Publiez les documents escamotés pendant l'enquête. Faites du bruit, dans la presse, comme vous savez faire. Vous verrez, Cette fois-ci, ça va marcher. Bien, je... Ah. Merci, Holmes. Pour une fois, c'est vous qui avez fait tout le travail. Au revoir. À bientôt. Sir Conan Doyle lance une nouvelle campagne de presse pour faire libérer Oscar Slater. Cette fois-ci, l'opinion se range de son côté, mais le secrétaire d'État écossais ne réagit pas. L'affaire s'étire jusqu'en 1927, lorsque le 23 octobre, l'Empire News de Manchester publie une interview d'un témoin que l'on n'attendait plus. Helen Lambie a été retrouvée à Pittsburgh aux États-Unis. Et elle déclare « Oui, je connaissais l'identité de l'homme que j'ai vu quitter la maison de Miss Gilchrist le soir du meurtre. Quand j'ai donné son nom à la police, on m'a dit que cet homme était incapable de commettre un tel acte. Je me suis laissé convaincre par les policiers et j'ai fini par accuser Slater. Mais aujourd'hui, je peux l'affirmer, Oscar Slater n'est pas l'homme que j'ai vu dans la maison ce soir-là. » Même si Lambie n'incrimine pas Charteris, ces révélations fracassantes confirment l'innocence de Slater. Les autorités écossaises sont enfin poussées à agir. Le 14 novembre 1927, Oscar Slater est libéré de prison après 18 ans et 6 jours de détention. J'ai enfin rencontré cet Oscar Slater. Un sacré personnage. Je ne suis pas sûr d'en faire un ami. Il a des manières bien trop continentales à mon goût. Et je me demande si toutes ces années de prison n'ont pas altéré quelque peu sa santé mentale. Elle le serait à moins. En tout cas, je lui ai écrit toute ma joie de l'avoir fait libérer. Je vais continuer le combat, afin que l'erreur judiciaire soit officiellement reconnue. J'aimerais que non seulement Slater soit dédommagé et que son nom soit lavé de cette infamie, mais aussi que cette histoire serve de leçon. Et que dans ce pays, on ne laisse plus jamais la corruption, la haine et la lâcheté désarmer le bras de la justice. En 1925, l'affaire Oscar Slater, quand Sherlock Holmes vient en aide à Conan Doyle, de Vincent Hazard, avec Arthur Conan Doyle, Michel Derville, Emily Wainwright, Karine Goron, Sherlock Holmes, Gérard Cherki, Mrs. Smeaton, Sophie Gubry, William Gordon, Eric Chalier, Miss Beryl, Myriam Azinko, Matthew Charteris, Julien Sigana, le contrôleur du train, Laurent Lévy. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Claude Niort et Régis Nicolas, assistante à la réalisation Clémence Bûcher, réalisation Cédric Ossire. Écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. On poursuit la discussion sur Conan Doyle et Sherlock Holmes dans quelques minutes avec mon invité Xavier Mauméjean. That woman by same. And this life is just a game. They keep on trying it all. They keep on trying it all. And they will keep on trying it all. Until you never feel the same. Californian Soil par London Grammar sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Florent Layani. Xavier Mauméjean, pour commencer, je vous propose tout de suite d'écouter Arthur Conan Doyle qui parle lui-même de Sherlock Holmes. Quand j'ai commencé à écrire Sherlock Holmes, j'étais un jeune médecin éduqué dans un mode de pensée très strict. J'étais particulièrement influencé par le docteur Bell d'Édimbourg, qui avait un pouvoir d'observation remarquable. Il était capable, rien qu'en voyant un patient, de découvrir non seulement sa maladie, mais aussi son métier et son lieu d'habitation. En lisant des romans policiers, j'étais frappé par le fait que c'était presque toujours grâce au hasard que les enquêtes étaient résolues. J'ai eu alors envie d'écrire une histoire où le héros traiterait le crime comme Dr. Bell considérait la maladie, et où la science se substituerait au hasard. Le résultat fut Sherlock Holmes. Conan Doyle, interviewé en 1930, hein, remarquera son charmant accent écossais. Xavier Mauméjean, vous connaissiez la voix de Conan Doyle ? Oui, bien sûr. Oui, effectivement, il roule les airs comme un autre grand personnage de fiction, Sean Connery dans James Bond. Oui. Donc il dit bien qu'il s'est inspiré d'un médecin qu'il connaissait, qu'il voulait que son personnage traite les affaires criminelles comme la science. Alors voilà, alors la référence à Joseph Bell, elle est vraie, puisque c'était un professeur fantasque qui arrivait dans l'amphithéâtre en ayant déjà commencé à parler, puis s'arrêtait, enfin il y avait une théâtralisation comme ça, il pointait un malade ou un de ses étudiants d'ailleurs, il faisait le détail de sa vie, de ses troubles quand il s'agissait d'un patient. Et le portrait doit effectivement être ressemblant, puisque lorsque Une étude en rouge a paru, Premier Sherlock Holmes. Oui. Voilà, dès le tout premier, Robert Louis Stevenson, un autre grand écossais, avait envoyé une lettre à Conan Doyle en lui disant « Mais c'est mon ami Joe Bell ». Donc, ça devait ressembler effectivement au docteur Bell. Donc, nous sommes repartis sur Sherlock Holmes, mais Conan Doyle, quand même, il faut lui rendre hommage. Donc, on l'a entendu dans cette histoire, l'affaire Oscar Slater, donc cet homme accusé du meurtre de Marion Gilchrist. Il a été un détective assez extraordinaire. Il avait un grand talent de détective qui s'est illustré par deux fois. D'ailleurs, la pièce rappelle cette affaire importante autour de George Eladji, cet avoué d'origine parsie qui avait été accusé, mais totalement à tort, d'avoir abattu un poney notamment, et où là il était déjà question de préjugés, puisque le malheureux Eladji était d'origine parsie, et à nouveau avec Slater, les préjugés recommencent. Et il faut savoir que lorsque Doyle obtient en mars 1914 la réouverture du procès Slater, il paye les frais de justice. Je veux dire, c'est pas simplement un engagement intellectuel, idéologique, mais il y va de sa personne. Oui, donc on découvre que Conan Doyle, donc c'est un homme qui aime les romans policiers, mais qui est aussi un détective épris de justice, vous venez de le dire, et c'est un homme de conviction qui a également dénoncé les horreurs de la colonisation au Congo et de l'esclavage notamment. Il est étonnamment moderne. Effectivement, il va dénoncer les horreurs commises sous la souveraineté de Léopold II de Belgique. Mais auparavant, il s'engage dans d'autres causes. Notamment, il écrit sur la difficulté de vivre des habitants d'Afrique de l'Ouest. C'est un homme qui, tout en étant extrêmement rigide parfois dans son éducation victorienne et fait preuve de, d'une vraie modernité. Et la cause de la justice, mais aussi la cause des peuples, est quelque chose qu'il a en effet toujours défendu. Est-ce qu'on peut penser que Sherlock Holmes a influencé Conan Doyle? Évidemment, Conan Doyle a influencé Sherlock Holmes, mais dans ses affaires, justement, l'affaire Oscar Slater, dans sa manière de traiter l'affaire. Bien sûr, je pense que on peut le dire, et puis il faut pas être sorti d'une grande école de psychanalyse pour savoir que comme Holmes, c'est une création de l'esprit de Doyle, il y a peut-être permis de synthétiser effectivement des observations, une méthode, un raisonnement. Donc oui, tout à fait, à titre de figure fictionnelle, mais issue de son esprit, c'est bien Holmes qui influence Doyle. On peut comprendre que Conan Doyle était un peu jaloux de Sherlock Holmes, puisque Sherlock Holmes, tout le monde l'admirait, tout le monde pensait que c'était un personnage réel, on lui écrivait des lettres, d'ailleurs on continue aujourd'hui de le prendre comme un être vivant, c'est assez étonnant, c'est unique comme personnage de roman. Absolument, c'est un personnage qui va dépasser son créateur, va lui imposer ses aventures, va l'obliger à amplifier ces éléments biographiques, et cela au détriment de ce que Doyle estime être plus littéraire, comme ses romans historiques notamment. Et très tôt, en fait, dès le premier véritable succès des histoires du détective, à savoir les aventures de Sherlock Holmes, Doyle pense à le tuer. Oui. Triste histoire, mais drôle. Merci Xavier Mauméjean. Vous êtes l'auteur sur le sujet de deux livres, Sherlock Holmes, détective de l'étrange, qui vient de paraître aux éditions Les Impressions Nouvelles, dans la collection La Fabrique des Héros, et Les Nombreuses Vies de Sherlock Holmes, avec André-François Ruault, aux éditions Les Moutons Électriques. Et à lire bien sûr l'intégrale Sherlock Holmes, par Conan Doyle, qui est paru en poche aux éditions de l'Archipel, l'Archipoche, et chez Robert Laffont, dans la collection Bouquins. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Pierre Dac, l'humoriste, le créateur de L'Os à Moelle, qui pendant l'occupation a rejoint De Gaulle à Londres. À la BBC, avec Les Français parlent au français, il participera à sa manière, celle de l'humoriste, à la féroce guerre des ondes menée contre Radio Paris. Pierre Dac, roi des loufoques et résistant, c'est dimanche prochain dans Autant d'emporter l'histoire, avec François Morel dans le rôle principal. Juste après le flash, ne manquez pas Modern Love de Nadia Dame.